Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Resultado: arro o piloto. Thank you. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'était bien de la malice. Le braque du bonhomme autour d'une vieille bâtisse. Le braque du bonhomme, il y avait toujours des complices. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Il se promène dans la nuit, trois chevreuils sous le bras. Il vient de passer par ici, il repassera par là. Le grand Rabouillot Berrichon, on l'attrape comme ça. Le braque du bonhomme, voici Robin des Bois. Le braque du bonhomme, on va manger comme des rois. Le braque du bonhomme, des girolles et des noix. Le braque du bonhomme, il était hors la loi. voix des paysages, mystérieuse et splendide. On dit qu'à bien des voyageurs, tu as volé le cœur que l'on croyait frigide. On dit qu'ils t'ont trouvé si beau, que depuis leur bateau frôle tes eaux limpides. On dit qu'ils s'amusent souvent, entraînés par le vent, à te creuser des rides. Mais ta chanson plus danse, fait danser les roseaux, et la douceur du temps fait chanter les oiseaux. Et les mouettes s'envolent autour des amoureux. On dit qu'ils s'endorment parfois, s'endorment parfois sur tes vieux bancs de bois, sur tes vieux bancs de bois, se faisant des aveux. On dit que tes jardins en fleurs, tes jardins en fleurs, leur offrent leur santé, leur offrent leur santé, afin qu'ils soient heureux. On dit que mille feux follets dans ses fronts. Vient le crépuscule. On dit qu'une brise un peu légère apporte sans manière les sons du libellule. Mais ta chanson pourtant chanter les oiseaux, des bichons qui roucoulent, font des cercles joyeux, et les mouettes s'envolent autour des amoureux. Entraîne ses petits sous le pont des amours. Un crayon, un papier et des idées en vrac. Un poète arrivé balade au bord du lac. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Une balade dans les sentiers d'alpage, c'est du bonheur assuré, venez admirer les marmottes, les éperviers et les fleurs. La chanson du vent léger

Voilà donc, bonjour tous à vous toutes, 13h32, voilà donc nous sommes déjà le dimanche, et voici aussi le retour de l'accordéon. Et puis aussi, tout simplement, et bien aussi, j'espère que vous avez passé très bonne matinée, ainsi avec l'émission de Jérôme et Lionel à partir de 10h jusqu'à midi, 12h30, avec le téléphone sonne que vous allez retrouver donc et bien la semaine prochaine. Voilà donc déjà pour nous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec plusieurs chansons, plutôt musique d'accordéon, avec le passo, la valse, la tarentelle et puis d'autres musiques différentes. Voilà donc, et bien sans plus tarder, je vous laisse avec bien sûr la musique et je vous laisse avec la valse. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Change pas de peine. Accroche-toi à ton accordéon. Joue-nous sur tous les tons, les plus belles rengaines. Accroche-toi à ton accordéon. Ça, c'est pas du carton, c'est l'instrument suprême. Ce musicien un peu à part, l'accordéoniste des trottoirs, abandonna le classique pour faire plaisir à son public. Le petit vin blanc, la java bleue, pour les valseurs c'était bien mieux. Ça les mettait de bonne humeur et ils reprenaient tout en cœur. Accroche-toi à ton accordéon, rejoue-nous les chansons, les refrains que l'on aime. Accroche-toi à ton accordéon, donne-nous le frisson, ne change pas de peine. Accroche-toi. C'est l'instrument suprême. Accroche-toi à ton accordéon. Ça, c'est pas du bidon. C'est l'instrument suprême. pays. Elle est tellement naïve qu'elle devient jolie. Nous vivons au pays de la... Voici un autre morceau, Val, et puis juste après, ce sera la cabrette. Bien en été ou en hiver, bien sur notre terre, tout comme le lierre s'attache à la chaumière. Je sais que toi aussi tu te plairas chez nous, tout ça au son de mon petit bignou. Avec bien sûr le cha-cha. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Avec sa boîte d'allumettes, Ils sont maîtres de l'entrain pour ces amis musiciens. Tout le monde l'aime bien. Le joueur des castagnettes, c'est le roi de la fête. Pas besoin de corrida, un petit verre de sangria et la foule crie à jeun. Dans tous les bals populaires, présidés par monsieur le maire, il y a toujours un fin, des toreros et des bravos. Éblouis par la lumière, illuminés mine fière, il sort sa boîte d'allumettes et fait vibrer ses castagnettes. Tous les bals populaires, présidés par monsieur le maire, il y a toujours un fan, des toreros et des bravos. Éblouis par la lumière, illumine et mine fière, il sort sa boîte d'allumettes et fait vibrer ses castagnettes. Joueur de castagnette, avec sa boîte d'allumettes, il sait mettre de l'entrain pour ses amis musiciens, et tout le monde l'aime bien. Le joueur de castagnette, c'est le roi de la fête. Pas besoin de corrida, un petit verre de sangria, et la foule triada. Voici donc le tango, et puis juste après le tango, on écoutera tout simplement eh bien, la fiesta. Bonne idée à tous et à vous toutes. Thank you.

On m'appelle le plus grand des matadors. L'impérial Don Juan est le plus beau. Avec moi, c'est la fiesta, chaque danse coiffée d'une toque en guise de chapeau. Attiré par son joli costume brillant et son jeu de jambes à faire tomber les tons, c'est pour lui que toutes les femmes se déplacent, car il a sur lui un joli petit oiseau. Il faisait yalalala, yalalala, yalalala, yalalala, lorsque les jolies filles du doigt le caressa. Il faisait yalalala, yalalala, yalalala, yalalala, et puis soudain mon petit oiseau se transforma. Il faisait yalalala, yalalala, yalalala, yalalala. On y va. Il faisait yalalala, yalalala, yalalala, yalalala. Transformé tel un ouistiti sauvage, c'est lui maintenant le plus joli et le plus beau. Il sautille, il se remue, il se balance, perché sur son arbre rempli de noix de coco. Il ne sait pas bien danser, faire la fête, il profite du bon temps sans prise de tête. Mais en fouillant là au fond de ses chaussettes, il trouva une jolie paire de castagnettes. Le Ouistiti était heureux sur ces terres-là. Il faisait et puis soudain mon petit oiseau se transforma. Il faisait, je sais pas vous mais moi j'aime bien ça. Il faisait, je le promets, cela reste entre vous et moi. Jolie fille du doigt le caressa. Il faisait tac tac tac tac tac tac. Et puis soudain mon petit oiseau se transforma. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freyler. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freyler et tous ses musiciens, le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem feitinha, é fruto cheio de perfume o meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Freyler et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais.

du côté de l'Espagne. sur Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc, eh bien, tout simplement l'accordéon Carnaval et puis juste après Boléro. Il y a une foule phénoménale, c'était pas tout, c'est carnaval. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu dans les rues un tel chahut. La tour Eiffel toute chrétienne, avec un chapeau pointu. Ça fait du bien de s'éclater, de se lâcher dans les étoiles. Oubliez tout ça, vous le bouffez de l'époux, c'est carnaval. Il n'y a pas de raison sérieuse, rien qu'une idée heureuse. Besoin de faire la fête, de chanter à toute tête. Ça fait chauffer l'ambiance. Un petit coup de folie, on s'amuse et on danse, ça éclaire la vie. La grande Zoa a ressorti son grand bois et dans Paris, il y a comme des feux de bengale. Ah, étonnant, c'est carnaval, de l'opéra à la villette, on voit briller mille paillettes. Il y a une foule phénoménale, c'était pas trop, c'est carnaval. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu dans les rues un tel chahut. La très belle de se lâcher dans les étoiles, oubliez tout ça, on le trouve et tout ce carnaval. La grande Zoa a ressorti son grand bois Voici donc qui vient en accordéon, mais accordéon en disco, et puis juste après le Fox. vera, verano, la mano, otoño, oretonio, el invierno, un invierno. Eso es el amor. Sí, señor. Y el sol, ella y él, la rosa y el clavel, primavera me espera, verano la mano, otoño, oretonio, el invierno, un inquiero. El amor, sí señor. Une valse et puis juste après le tcha-tcha. Déjà à l'école communale, au fond de mon cartable, j'avais un éventail. J'ouvrais, je fermais, et comme ça je m'inventais l'instrument dont tellement je rêvais. Très vite, mes parents ont compris que leur fils n'avait qu'un seul but dans la vie. C'était, vous l'avez deviné, sur une estrade et jouer. J'ai le cœur en accordéon, je suis toujours en manque d'affection. J'ai besoin de tendresse et ça tombe très bien, il y a toujours de la place pour quelqu'un. J'ai le cœur en accordéon, j'ai le cœur rempli d'émotions. Il bat fort, il s'étire, il grandit pour te faire une place dans ma vie. Déjà tout petit, je me disais, les gens qui sont tristes, je les ferai danser. Déjà tout petit, je l'avoue, je rêvais de rendre heureux tous les mômes du quartier. Depuis, je ne quitte plus mon biniou. Je cours et je vole à tout nom. C'est fou tout ce que je ressens. Vous ne me croirez pas, mais pourtant j'ai le cœur en accordéon. Je suis toujours en manque d'affection. J'ai besoin de tendresse et ça tombe très bien. Il y a toujours de la place pour quelqu'un. J'ai le cœur en accordéon. J'ai le cœur rempli d'émotions. Il bat fort, il s'étire, il grandit pour te faire une place dans ma vie. s'étire, il se tire, il grandit pour te faire une place dans ma vie. Et puis juste après, la musette.

Voilà, après tout simplement la tarentelle, voici tout simplement la valse. Mais la valse auvergnate, et juste après le twist. Allez, ça tourne en l'air. C'est bien plus qu'un jeu. c'est du bruit dans les cantons. Le Morvan en fête vivait en musette. Et des brisards à Avalon, y'avait plus de spleen ni de bourdon. On avait envie de boire un canon au son de l'accordéon. c'est donc du cha-cha et puis juste après Madison. Thank you.

une danse avec beaucoup d'agitation, bien plus terrible qu'une piqûre de frelon. On se croirait au royaume de Napoli, un peu de soleil qui nous vient de l'Italie, accompagné d'un tambour et d'un tambourin. Tous les coincés de la rotule se sentent bien, en gardant la cadence, en gardant bien le pas. La tour de Pise qui penche un peu ne revient pas. En tapant dans les mains, la danse est plus rythmée. C'est bon pour ceux qui ont les rotules coincées. Nos parents dansaient la tarentelle autrefois. Venez danser celle que demain on dansera. Cette musique viva, cette danse frénétique, on sortira bien vite de la mélancolie. Il n'y a pas à dire, on se croirait en Italie. La tarentelle vous fera voyager à bas prix. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pas très longtemps, l'amour s'en va, l'année des cieux Jean-Yves. Voici donc la marche et puis juste après du zouk. Plus Paris, mais non, cœur des milliers de chansons qui jamais ne finiront. J'ai dans le cœur des chansons d'amour que je fredonne la nuit, le jour, et qui jamais, jamais ne vieilliront. Si tu reviens à la maison, ciel. Voilà donc, il est 15h58, et bien voilà, donc l'émission touche à sa fin. Voilà donc, on va se retrouver donc, et bien, la semaine prochaine, et puis aussi on se retrouve aussi mardi, toujours à la même heure, à partir de 13h30. Voilà donc, bien, j'espère que vous avez passé bon après-midi avec, bien sûr, l'accordéon. Bien sûr, comme je vous ai dit, qu'on va la retrouver donc, eh bien, dimanche prochain. Mais au cours des autres émissions, le mardi et le vendredi, il y a aussi d'autres morceaux d'accordéon dans l'émission, tout simplement. C'est fini, à la prochaine. Merci à vous, merci beaucoup. À notre prochain rendez-vous. Voilà, avant de se quitter, donc, eh bien, n'oubliez pas, pour demain, on se rend déjà lundi, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Lionel, tout simplement. Et puis, en fin d'après-midi, à partir de 19h jusqu'à 21h, Manu on the Rock. Et puis, juste après, entre 21h jusqu'à 23h, Rémi, avec la rédac du sport. Voilà donc, eh bien, moi, je vous dis bonsoir à vous tous. We'll be right back.